Blues en fête. Idée noire de certains jours, aux nuits blanches où tout flanche. Ne pouvoir dormir, ne pouvoir veiller. Perpétuellement suspendu à cet entre-deux où perdu et éperdu, je pourfends vainement l'accablant épuisement. Ce géant, néant gluant, glapissant ou rougissant, le déclin pour destin, pas de soin, bientôt la fin. Soin, soin, miroir aux alouettes, lance et tense une voix fluette tapie dans sa cachette. La fée bleuette, guillurette et mignonnette, accompagnée de sa chouette cacahuète. Pas girouette, elle s'entête, rejointe par doucette la mibelette et pirouette le coq sans crête. Tous chantent à tue-tête, envie brûle les luettes. Ne comptons pas fleurette, n'es-tu point bête, pauvrette? N'oublie pas ta quête, que rien ne t'inquiète. Jolie fête et bal musette, danse et galipette, partageons la galette. À jamais fugace et cocasse, cet instant de grâce enlace mon cœur de glace sans laisser de trace. Mais désormais trop lasse, de la nasse les idées noires passent, puis trépassent, avec classe. Clarissandre.